Smart Good Things, des boissons et services pour une nouvelle économie bienveillante. Et oui, c'est ça l'idée, produire des boissons vertueuses, innover au service du bien commun et verser 25% de notre chiffre d'affaires à des causes solidaires, telles que la formation des jeunes, la lutte contre le décrochage scolaire et l'accompagnement de nos aînés. Ensemble, avançons vers une société plus juste. Rejoignez-nous sur smartgoodthings.com. Tu es mon chien et mon grand-père. La justice n'existe pas ici. Vous ne pouvez pas intenter une action. Moi-même, s'il y avait une justice, Laoud l'aurait acheté comme tout le reste. Eh bien, il y a très peu de problèmes qu'on ne puisse résoudre avec un peu de sueur et d'huile de coude. Quelle vie désirez-vous mener ? Désirez-vous mener une vie rêvée, de plaisir et de joie ? Ou désirez-vous vivre une vie réelle, faite de douleurs et d'actions, où les problèmes se règlent avec un peu de sueur et d'huile de coude? Posez-vous la question et peut-être en viendrez-vous à préférer, contre toute attente, la seconde option. Autrement dit, la dure réalité au bonheur illusoire. Mais comment faire avec la réalité quand celle-ci est injuste? Quand on n'a pas de chance? Quand chacun agit selon lui-même et tant pis pour les autres? Et si à ces questions, les libertariens avaient la réponse? On pourrait imaginer une situation de type science-fiction, d'une sorte de machine, une machine à expérience qui pourrait nous faire vivre toutes les expériences que nous voulons. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que je voudrais vivre une vie comme ça? Est-ce que ça me donnerait tout ce que je veux? Si tout ce qui compte pour nous, c'est d'être heureux, vous pourriez par exemple avoir la sensation d'interroger des gens à la radio, de faire des interviews fascinantes, que les auditeurs leur trouvent plus d'intérêt que ce que nous faisons actuellement. Moi, je ne voudrais pas, et je pense que la plupart des gens ne voudraient pas être branchés à une machine comme celle-là. Ce serait comme vivre un mensonge. On ne ferait pas vraiment ces choses. Et nous voulons vraiment agir. La machine à expérience nous donnerait plus de plaisir. Mais ce n'est pas tout ce que nous voulons durant notre vie. Nous voulons vraiment avoir un contact avec la réalité. Bonjour Marc-Antoine Sabaté. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur au Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles. Peut-être l'avez-vous reconnu, c'est la voix de Robert Nozick, un chef de file libertarien, qui dans cette archive de 1990, on l'a entendu, imagine une machine à expérience nous permettant de vivre uniquement des expériences positives. Lui, il dit qu'il préférerait vivre en fait la réalité plutôt que de vivre dans le mensonge. Et vous, que préférez-vous Marc-Antoine Sabaté? Alors, je ne sais pas ce que je préfère, et sans doute qu'on peut avoir différentes manières de vivre la réalité qui sont pas forcément celles de Nozick, mais en tout cas, c'est une très belle entrée en matière parce que on est tout de suite dans le vif du sujet. On est tout de suite dans ce qui va, en particulier, être un petit peu la controverse entre Rawls et Nozick qu'on va discuter aujourd'hui. Et on a Nozick qui nous dit que l'enjeu, c'est de ne pas vivre une vie rêvée, qu'il faut vivre la vie réelle, quitte à accepter que cette vie réelle n'est pas forcément une vie parfaite, n'est pas forcément une vie parfaitement juste, et parfois une vie injuste, dont il faut accepter les injustices. Et donc, on est tout de suite dans le vif du sujet. Nozick est une figure intéressante parce que... Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Robert? Oui, Nozick, voilà. Parce que alors... vous avez dit tout de suite Rawls, Nozick. Nous savons qui sont ces deux figures, mais alors il y a d'un côté Robert Nozick et de l'autre John Rawls, qui est un libéral, qui ont donc eu un débat quant à la justice. Et c'est ce dont on va parler effectivement durant cette heure-là, Marc-Antoine Sabaté. Mais alors d'abord, qui est Robert Nozick? Exactement. Et donc on va voir qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Mais donc Nozick, c'est quelqu'un qui a un statut un petit peu particulier dans la mouvance libertarienne, parce que contrairement à d'autres auteurs dont vous avez parlé hier et dont vous parlerez demain, notamment Ayn Rand, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la prétention d'avoir un engagement politique au service de la pensée libertarienne. Il le dit d'ailleurs très clairement dans son introduction, il dit « Je n'ai pas écrit un manifeste politique, j'ai écrit une exploration philosophique ». Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est principalement connu donc pour un ouvrage qui est publié en 1974, « Anarchie, État, Utopie ». Et c'est en quelque sorte sa seule incursion dans la philosophie libertarienne. Il a écrit cet ouvrage et puis plus rien. Donc c'est, c'est l'homme d'une œuvre. Exactement. Mais non, il a écrit plein d'autres choses. C'est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la théorie morale, la théorie de la connaissance, d'accord, etc. Donc c'est un professeur distingué sur plein d'autres sujets. Mais sur sa philosophie politique, c'est vraiment juste cet essai, cette provocation en quelque sorte. Et on verra qu'il y a des éléments assez provocants chez Nozick. Mais donc il a une portée un peu particulière dans cette mouvance libertarienne parce que il a uniquement écrit ce texte et paradoxalement, il reste beaucoup plus connu que d'autres, beaucoup plus discuté, beaucoup plus commenté que des gens comme Rothbard, qui par ailleurs, eux, ont été beaucoup plus engagés politiquement au service de ça. Et alors donc, on ne peut pas parler de Robert Nozick sans parler de John Rawls, parce que, à plein d'égards, l'ouvrage de Robert Nozick est une réponse à l'ouvrage majeur de la philosophie politique de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est la théorie de la justice, A Theory of Justice, publiée par John Rawls en 1971, 3 ans auparavant. L'ouvrage de Nozick est à la fois une tentative d'élaborer une philosophie libertarienne et en même temps une réponse à la théorie de la justice de Rawls. Une réponse qui se fait d'abord sur la base d'un accord. Ce qui motive la réponse de Nozick, c'est que son point de départ est de dire, ben en fait, initialement, moi je suis d'accord avec Rawls, j'ai envie de le croire. Par ailleurs, sa théorie est sans doute la plus grande contribution à la philosophie politique qui ait jamais été produite. Quand Nozick ouvre son chapitre où il parle explicitement de Rawls, il l'ouvre en disant « Mais aujourd'hui, les philosophes ont deux choix, soit travailler à l'intérieur de la théorie de Rawls, soit expliquer pourquoi ils ne le font pas. » Donc vraiment, sa critique dévastatrice de Rawls commence par un hommage extrêmement appuyé, comme on en voit assez rarement. Donc lui, il décide de choisir la seconde option, à savoir en fait de se situer en dehors de la théorie de John Rawls. Eh bien, il va faire les deux en fait. Il va montrer pourquoi quand on travaille à l'intérieur, ça ne tient pas. Et puis, il va lui développer sa propre perspective qui, en effet, se situe à bien des égards à l'extérieur. Mais tout ça, ça part vraiment d'un accord premier qui est celui... Déjà, ils sont libéraux tous les deux. Exactement. Voilà. Donc l'accord premier, c'est que ce sont deux théories libérales, individualistes, qui ont comme point de départ la défense des droits individuels. Ce que va reprocher Nozick à Rawls, c'est de développer sa théorie de telle manière que, en fait, parce que Rawls va justifier un État qui va redistribuer et qui va vouloir réduire les inégalités, de finalement empiéter sur les droits individuels qui, pour Nozick, sont des droits absolus et qui ne peuvent pas subir l'empiétement de l'État. Juste une question avant qu'on entre encore un peu plus dans le sujet, Marc-Antoine Sabaté. Vous avez dit que la théorie de la justice de John Rawls était véritablement une des plus grandes contributions à la philosophie politique au XXe siècle. Nozick dira peut-être même à l'histoire de la philosophie politique. Pourquoi ce texte, qu'il faut le dire quand même, est extrêmement difficile, même quand on a fait plusieurs années de philosophie, pourquoi ce texte révolutionne-t-il ? A-t-il autant révolutionné la théorie politique de ce XXe siècle ? Et qu'est-ce qu'on peut en garder comme idée ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est sans doute sa portée systématique. C'est vraiment un ouvrage qui a l'ambition de rédiger une théorie absolument systématique de la justice. C'est un ouvrage qui, par ailleurs, extrêmement ambitieux, qui entreprend de faire revivre et de porter à un plus haut degré d'accomplissement et d'abstraction toute la théorie contractualiste. Et donc, au final, qui en fait prétend, en quelque sorte, achever ce qui fait le cœur de la philosophie politique moderne occidentale. Et qui, en fait, à bien des égards, y arrive. Il y a un degré de richesse dans l'argumentation de Rawls qui est extrêmement impressionnant. Par ailleurs, pour continuer sur notre portrait comparé entre les deux auteurs, contrairement à Nozick, Rawls est quelqu'un qui a passé sa vie entière à écrire et réécrire laborieusement la même argumentation. Rawls a passé toute sa vie à écrire la même chose. Il a écrit La théorie de la justice, qui paraît en 1971, et puis d'autres ouvrages jusqu'à sa mort, avec un dernier ouvrage qui s'appelle La justice comme équité. Et en fait, Rawls a réécrit en permanence pour accommoder toutes les objections qui lui étaient faites, justement parce qu'il avait cette présentation systématique, et donc son ambition était de faire place à toutes les objections qui pouvaient lui être faites, et de montrer pourquoi, en fait, sa conception de la justice résistait à toutes les objections. Alors pourquoi, par ailleurs, est-ce que elle est si influente ? Influence même l'espace public, on pourrait dire. C'est ça, parce qu'en fait, Rawls, et d'ailleurs, il le dit lui-même, notamment dans la préface à l'édition française, ce qu'il a voulu faire, en quelque sorte, c'est réconcilier les deux tendances générales de la modernité politique. D'une part, l'aspiration à la liberté, la protection des droits individuels, et d'autre part, la tendance à l'égalité. Ce que dit Rawls, c'est qu'il a voulu faire une théorie pour montrer pourquoi la liberté et l'égalité société était au final complémentaire. Et donc c'est pour ça que Rawls est généralement perçu comme libéral social, un libéral égalitaire, voire même parfois comme un social-démocrate. Et Nozick, loin de là, va lui, est-ce que justement c'est là-dessus aussi que va pointer l'argumentaire de Robert Nozick, à savoir en disant, en fait, cette articulation-là, elle n'est pas possible. C'est soit la liberté, soit l'égalité, mais si vous choisissez d'articuler les deux, l'un de ces deux principes va forcément en pâtir, et c'est, hélas, ce que ne parvient pas à faire Rawls, et la liberté en pâtit. Or, en tant que libertarien, cette théorie-là ne marche pas selon moi. Est-ce que c'est ça que se dit Nozick? Exactement, ça c'est vraiment le cœur critique de son argumentation. Et donc Nozick va notamment critiquer assez fort la conception assez radicale du mérite qu'a Rawls, etc. Mais le cœur de la critique de Nozick est sur cette impossibilité d'articuler liberté et égalité. Avant ça, il y a une première chose sur laquelle Nozick se sépare de Rawls, c'est sur l'idée qu'on pourrait trouver au terme d'un contrat social, contrat social assez particulier chez Rawls, on va en parler, trouver un accord sur des termes acceptables par tous pour fonder une autorité politique. Nozick va, son livre s'appelle Anarchie, État, Utopie. Mm-hmm. En fait, c'est le titre des trois parties du livre. Il y a une première partie qui est l'anarchie, et puis une partie sur l'État, une partie sur l'utopie. Sa partie sur l'anarchie, en fait, Nozick commence en disant que les droits individuels sont absolument inaliénables, et donc à ce titre, toute forme d'État, toute forme d'autorité publique est une violation des droits individuels, parce qu'elle suppose d'empiéter sur les libertés individuelles. Nozick va se demander comment est-ce qu'un État alors est justifiable, est-ce qu'il est justifiable ou non. Et donc il part de l'anarchie, en disant, ben voilà, le point de départ, c'est que l'État est injustifiable. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nozick, petit à petit, va essayer de voir comment est-ce qu'on peut justifier un État. Et alors, lui, il va s'écarter complètement de la tradition contractualiste. Il va revenir à Locke, et donc, on pourrait penser à ce stade à la tradition contractualiste en disant, voilà, en fait, le seul État qui va être légitime, c'est un État minimal qui aura pour seule légitimité la protection des droits de propriété, la protection des contrats, la répression des fraudes, des vols, etc. Sauf que Nozick va y arriver par un stratagème qui est différent de celui de Locke, puisque chez Locke, comme chez les autres grands auteurs contractualistes, mm-hmm. que ce soit Hobbes ou Rousseau, même si son état est différent, il y a quand même un moment où les gens se retrouvent et se disent « bon, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble mm-hmm. ». Pour Nozick, il n'y a pas ça. Pour Nozick, la naissance de l'État se fait de manière spontanée. C'est un processus lui-même anarchique. Il n'y a aucun moment chez Nozick où les hommes dans l'état de nature vont se dire voilà, il faut quand même qu'on trouve des règles communes. Les règles communes vont naître de manière spontanée, comme sur un marché en fait. Et on va écouter tout de suite un extrait de Anarchie, État et Utopie, donc le grand texte libertarien de Robert Nozick, qui date de 1974, interprété ici par François Raison. Wittgenstein, Elizabeth Taylor, Bertrand Russell, Picasso, Moïse, Einstein, Bouddha, Frank Sinatra, Christophe Colomb, Freud, Ayn Rand, le baron Rothschild, Emma Goldman, Pierre Kropotkin, vous et vos parents. Y a-t-il véritablement un seul genre de vie qui soit le meilleur pour chacune de ces personnes? Imaginez que toutes celles-ci vivent dans un monde d'utopie que vous avez déjà vu décrit en détail. Essayez de décrire la société qui serait la meilleure pour toutes ces personnes. Serait-ce une société agricole ou urbaine? Serait-ce une société de grand luxe matériel ou de grande austérité? À quoi ressembleraient les relations entre les sexes? Y aurait-il quelque institution comparable au mariage? Celui-ci serait-il monogame? Les enfants seraient-ils élevés par leurs parents? Y aurait-il de la propriété privée? Y aurait-il une ou plusieurs religions? Sinon aucune, de quelle importance serait-elle dans la vie des gens? La conclusion à tirer est qu'il n'y aura pas une seule forme de communauté existante, ni un seul genre de vie mené en utopie. L'utopie sera formée d'utopies, de nombreuses communautés différentes et divergentes dans lesquelles les gens mèneront différentes sortes de vie dans le cadre de différentes institutions. Certaines communautés seront plus attirantes pour la plupart des gens que d'autres. Les communautés croîtront et décroîtront. Les gens en abandonneront certaines pour d'autres ou passeront leur vie entière dans une seule. L'utopie est un canevas d'utopie, un endroit où les gens sont libres de s'unir volontairement pour poursuivre et tenter de réaliser leur propre vision d'une vie bonne dans la communauté idéale, mais où personne ne peut imposer sa propre vision utopiste aux autres. Comment penser une communauté quand on est libertarien ? Vous avez parlé, Marc-Antoine Sabaté, de spontanéité, en fait, de l'ordre politique, selon Robert Nozick. Et puis, dans ce texte de Robert Nozick, on entend plutôt l'idée d'une forme de diversité. En fait, ce qui va faire qu'une communauté va perdurer, c'est que finalement, elle ne sera jamais unique, mais qu'elle sera constituée d'un ensemble de mini-communautés divergentes et diverses. Oui, ce texte est absolument génial. On y voit aussi ce qui fait pour une part. Je reviendrai assez longuement sur les critiques ensuite, mais pour une part, ce qui fait l'attractivité des idées de Nozick et en partie de l'attractivité des idées libertariennes. Il y a quelque chose de séduisant dans ce qu'on écoute. Oui. C'est un passage de la troisième partie de l'ouvrage, qui est donc la partie consacrée à l'utopie. Avant d'arriver là, Nozick décrit son anarchie, et donc cette spontanéité, cette création de différentes communautés aboutit pour Nozick à une sorte d'état, qui est un état minimal, qui en fait est une agence protectrice dominante. Nozick dit qu'en fait, donc les individus à l'état de nature ont leurs droits naturels, coopèrent éventuellement à différents moments, et puis petit à petit, spontanément, vont contracter. C'est pour ça qu'on est, on n'est pas dans un contrat social, on est dans un contrat économique. Les individus vont contracter pour se mettre d'accord, pour protéger collectivement leurs ressources, etc. Et Nozick dit que on peut imaginer un processus au bout duquel, ben en fait, il y a une agence qui va devenir dominante. Et puis au bout d'un moment, en fait, cette agence devient tellement dominante que tout le monde la rejoint. Un parallèle facile est de dire que si tous vos amis seront sur Facebook, au final, vous allez sur Facebook aussi. C'est comme ça que ça se passe avec. Ou si toute ma famille a choisi la Maïf, je vais à la Maïf. Exactement, c'est la même chose. Mmh. Mais ce qui fait la différence avec Rawls, c'est que on n'est pas dans un argument qui est un argument contractualiste au sens de la tradition du contrat social. L'état minimal qui aboutit à la fin du processus d'anarchie reste comme une société privée. Il y a un contrat qui reste comme un contrat privé entre des individus et une agence qui va protéger leurs droits. Mais donc, on n'est pas dans un rapport à l'État qui est le même que celui qu'on peut avoir de Hobbes à Rawls, en passant par Rousseau, sur quelque chose de très différent. C'est véritablement, en fait, un État qui serait extérieur, en fait, à l'individu. C'est-à-dire, on est libre ou pas de contracter avec cette agence. Faut quand même revenir. Et on est libre de partir quand et on de veut. Partir. Sauf. Le problème étant quand même que cette agence, si elle a le monopole, c'est difficile d'en trouver une autre aussi. C'est un problème auquel Nozick fait face, c'est difficile de rentrer dans le détail, mais il finit par dire que il y a quand même un moment où il reste quelques personnes qui potentiellement n'auront pas envie de rejoindre l'agence protectrice, et que ces personnes, mais finalement, en fait, on pourra les forcer en quelque sorte à rejoindre, mais c'est pas vraiment les forcer, on les compensera, et donc il tourne autour du problème, mais il trouve une solution qui lui ouais. semble convenir. Mais l'idée générale est que on a toujours le droit de sortir. Ça c'est très important, et c'est quand même assez. Il faut quand même revenir, parce que cette idée est quand même assez dingue, Marc-Antoine Sabaté, de vouloir substituer à l'État tel que nous on le connaît, c'est-à-dire en fait capable de prendre un certain nombre de services publics en charge, de vouloir substituer à cet État un État minimal, mais qui du coup n'a de l'État que le nom, puisqu'il s'agit en fait d'une agence extérieure de laquelle on peut partir. Vous avez insisté là-dessus, mais donc il y a quand même ce délire des libertariens autour des agences de protection, agences mutuelles, agences d'assurance, comme si il y avait là une véritable alternative à la justice proposée par l'État. Est-ce que c'est véritablement solide comme théorie de la justice de penser celle-ci en termes d'agences autonomes, économiques, avec des intérêts commerciaux ? C'est probablement pas solide à certains égards, notamment parce que il y a quand même un moment où celui ou celle qui décide que il en a marre de payer ses impôts et il veut sortir de l'association politique n'a pas forcément d'endroit où aller. Une réalité historique d'un système d'État où on ne peut pas forcément aller où on veut et créer sa communauté. En même temps, on peut aussi, si on est Nozick, imaginer que des individus propriétaires d'une terre décident collectivement de sortir de l'association politique et de fonder leur propre micro-société sur les terres qui sont leur légitime propriété. Ça, en un sens, on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Et même si on voulait faire une critique très charitable, mais un peu provocante, on pourrait dire que dans l'État libertarien de Nozick, l'État n'aurait aucune raison légitime pour aller évacuer manu militari les ZAD. Des individus, avec l'accord des propriétaires légitimes, en l'occurrence par exemple des agriculteurs qui accueillent des personnes qui viennent fonder une ZAD, occupent un espace, fondent leur propre société, l'État n'a aucune légitimité pour venir leur dire comment est-ce qu'ils doivent organiser leur vie. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, ces théories conservent quelque chose, ou en tout cas, en particulier dans le contexte de leur publication, dans les années 70, dans une décennie qui suit mai 68, ces idées ont eu autant de répercussions, y compris à gauche. Et c'est ce qu'on entend aussi d'ailleurs dans le texte, c'est-à-dire que là on parle en fait d'une vision étatique de la justice auquel seraient opposés les libertariens, mais ils ont aussi une vision anti-collective de la collectivité précisément. Exactement, oui, oui. C'est ce qui fait que le texte de Nozick est amusant. Et puis séduisant aussi, comme vous l'avez dit. Évidemment, je vais pas refaire la liste, mais évidemment, il n'y a aucun modèle de société qui pourrait convenir parfaitement à toutes les personnes qu'il a listées. Et en même temps, là où on peut peut-être appuyer sur quelque chose qui n'est pas forcément solide, c'est que imaginer une communauté utopique qui convienne à toutes les personnes qui ont été citées, ça n'a aucun sens. On parle de personnes qui ont vécu à des périodes historiques complètement différentes, dans des sociétés différentes. Qui a la prétention de formuler une théorie de la justice qui pourrait convenir à toutes ces personnes? En tout cas, pas Rawls. Ce que fait Rawls, ce n'est pas ça. Rawls, lui, a la prétention de fournir une conception de la justice qui est celle qui convient aux sociétés démocratiques modernes. Et d'ailleurs, il le dit très bien, à plusieurs reprises, il dit, voilà, les principes de justice qui vont être adoptés dans sa théorie, il y a toute une procédure de justification, il les défend, etc. Mais au final, ces principes sont ceux qu'on peut trouver, il dit, dans la culture politique d'une société démocratique. Et donc, il y a un ancrage social et historique, malgré l'abstraction et le raffinement théorique chez Rawls, qui est moins présent chez Nozick, où on a chez Nozick quelque chose qui est un peu plus proche de ce que Marx appelait les Robinsonades. On imagine, on part d'un état de nature, on imagine des situations hypothétiques qui n'ont aucune forme d'ancrage dans la réalité sociale historique. Monsieur Hughes, veuillez vous lever pour prêter serment. Jurez-vous solennellement dans l'affaire soumise à cette commission de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous soit témoin. Je le jure. Monsieur le sénateur, si vous vous étiez interdit de franchir certaines bornes, de percer mon flanc d'un fer chauffé à blanc, j'aurais sans doute pris sur moi et encaissé un certain nombre d'injures, simplement parce que... je ne suis qu'un simple citoyen. Quand vous êtes sénateur et détenez toutes sortes de pouvoirs, pourquoi ne pas dire que cette commission d'enquête a été officiellement nommée le jour où la TWA a pris la décision de relier l'Europe? Le jour où la TWA a eu l'audace de défier l'idée reçue que seul Juan Trippe et sa grande Pan American Airways avaient le droit sacré de traverser l'Atlantique? Vous êtes là pour faire des discours. Nous avons une profonde relation d'amitié, Monsieur Trippe et moi, et je vous interdis... d'accepter des billets d'avion de la Paname en échange de quoi vous appuyez le projet de la nouvelle réglementation? Non, non, ce n'est pas vrai. Qui a rédigé ce projet, Monsieur le sénateur? Non, c'est nous. Qui a rédigé le projet? Ce n'est sûrement pas à vous qu'il appartient de mener ces débats, Monsieur Hughes. J'ai un exemplaire. Pour vous rafraîchir la mémoire, amendement au texte de loi sur l'aviation civile. N'est-ce pas vous qui l'avez présenté au Sénat? Écoutez, Monsieur Hughes... Le projet a été entièrement écrit par les cadres supérieurs de la Paname et rédigé de façon à donner à cette compagnie le monopole des vols internationaux. Bon, écoutez, voilà qui a assez duré. Juan Trippe est un patriote. Juan Trippe, lui, n'est pas un homme d'argent, contrairement à certains. Je suis sûr que ses actionnaires seront très heureux de l'apprendre. Silence ! Fais évacuer la salle ! C'était un extrait du film de Martin Scorsese, Aviator, dans lequel on entend, interprété par Leonardo DiCaprio, donc cet aviateur Howard Hughes, qui injurie et accuse le sénateur, en fait, d'avoir outrepassé ses fonctions et, en fait, d'être intervenu dans ce qui relevait, en fait, de sa liberté d'initiative, de faire de l'aviation, de traverser, de faire tel vol, et donc d'avoir acté, d'avoir contracté une sorte d'accord entre l'État et une compagnie en lui donnant le monopole. Et c'est exactement, en fait, on pourrait dire que l'aviateur Leonardo DiCaprio est vraiment libertarien. C'est-à-dire que là, les arguments qu'il utilise, c'est non seulement une critique de l'État qui va intervenir sur le marché, mais c'est aussi le fait que l'État empêche l'initiative individuelle et que l'État, là, car on est vraiment dans une cour de justice, en fait, avec la justice, va être injuste. Oui, en effet. Et là, on touche du doigt la dimension qui est vraiment centrale chez les libertariens, qui est le droit absolu à la propriété de soi et aux actions que l'on mène sans devoir être à aucun moment contraint par l'État, sans que l'État à aucun moment ne puisse nous dire ce que l'on doit faire ou non. Et ça va d'ailleurs assez loin. Hein, ça implique que, par exemple, chez Nozick, l'État n'a aucune légitimité pour nous obliger à devoir venir assister à quelqu'un qui est en détresse. Donc, je suis libertarien, je me promène, je vois quelqu'un en train de se noyer. Mm-hmm. Je peux avoir une obligation morale, personnelle, d'aller le sauver. Mais à aucun moment, si je décide de ne pas le faire, parce que je préfère préserver ma propre sécurité, l'État pourra me poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Et ça, c'est quelque chose qui, intuitivement, peut être un peu terrifiant. Et vraiment, il y a, chez les libertariens, une approche qui est, en un sens, radicalement déontologique. C'est-à-dire radicalement déontologique. C'est-à-dire que la légitimité des actions qui sont menées par les individus, la légitimité des institutions, dépend uniquement de leur justification morale et absolument pas des conséquences qu'elles peuvent avoir. Il y a aucune dimension de conséquence. Nozick dit on peut arriver à des résultats qui vont vous sembler parfaitement injustes, qui vont vous sembler parfaitement inhumains, si ces résultats sont le produit d'une procédure qui elle-même est juste, si ces résultats sont le produit d'une situation où chacun est dans son droit, alors on doit accepter ces résultats. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que dans son introduction, Nozick présente sa thèse générale qui est que seul l'état minimal est justifié. Et puis il dit, bon, je me rends bien compte que pour pas mal de personnes, c'est pas très attrayant. Moi, ce que j'ai écrit ce livre pour expliquer comment je me suis moi-même laissé convaincre par ces idées libertariennes. Et donc c'est intéressant parce que ça montre aussi que Nozick écrit un moment où ses idées sont déjà là. Lui contribue à un débat qu'il estime déjà existant. Il ne crée pas quelque chose à partir de rien. Et ça permet aussi de refaire le lien avec le texte sur l'utopie, parce que au final, ce qui fait le nœud de ce qu'on a entendu de Nozick sur l'utopie, c'est que on n'arrivera jamais à se mettre d'accord pour trouver un système qui correspond à tout le monde, pour trouver un système qui satisfasse tous les désirs différents, etc. La seule solution qu'on a, en fait, c'est de s'appuyer sur le droit naturel de propriété. Qui est le seul droit, selon lui, qui est solide. Mais en fait, ce qu'on pourrait dire à Nozick, et vous l'avez dit aussi un peu tout à l'heure, Marc-Antoine Sabaté, c'est que personne n'a prétendu avec l'État avoir une vision... proposer une vision unique. En fait, on peut vivre dans un même État sans partager les mêmes idées. Finalement, ce que critique en fait Nozick, c'est moins la démocratie qu'une certaine forme de démocratie où l'égalité serait devenue extrême, où en fait on serait dans une plus dans un État totalitaire d'une certaine manière. Oui, exactement. Alors il y a deux choses. La première, c'est que on pourrait dire, avec Rawls notamment, que il y a en effet une manière de s'accorder sur des règles communes qui n'impose aucune conception coercitive à personne. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ce que va prétendre faire Rawls. Il y a un aspect important dans la théorie de Rawls qui est de dire que les principes de justice qui vont être issus du contrat social font l'objet de ce qu'il appelle un consensus par recoupement. Rawls dit que, en fait, même dans les sociétés modernes, parce que Rawls part des sociétés dans lesquelles la société dans laquelle il vit, sociétés qui sont marquées, d'après lui, par ce qu'il appelle le fait du pluralisme raisonnable. Rawls dit on vit dans des sociétés modernes où on ne peut pas présumer que tous les individus puissent s'accorder sur une même conception du bien. C'est d'ailleurs ce que dit aussi Nozick dans le texte qu'on a entendu. Exactement, c'est aussi ce qui fait leur point de départ commun. Sauf que Rawls va dire, ce fait du pluralisme-là n'empêche pas qu'on peut, par une procédure qui, dans son cas, est une procédure théorique complexe, trouver un consensus et isoler un noyau commun autour duquel tout le monde pourra s'accorder, quelle que soit sa conception personnelle du bien. Un noyau commun qui, en fait, et c'est là la deuxième chose sur laquelle va attaquer Nozick, qui va à la fois préserver les libertés individuelles et en même temps, et c'est là que Nozick va être en désaccord, faire valoir une certaine forme d'égalité sociale. Et là, Nozick va dire, on ne pourra jamais se mettre d'accord sur l'égalité sociale. Il y a une première porte d'entrée. Bon, pour dire ça, il faut peut-être d'abord présenter un peu plus les deux principes de justice de Rawls. Donc, oui. La théorie de la justice de Rawls s'organise de différentes manières. Il y a une procédure qui, sa procédure du contrat, qu'il appelle la position originelle, où il place les individus sous ce qu'il appelle un voile d'ignorance. Il dit, voilà, on doit imaginer une procédure, c'est fictif, hein, contrairement à l'état de nature, qui est aussi fictif, mais qui est en tout cas plus ancré. Rawls dit, on imagine une procédure où les contractants connaîtraient toute une série de choses, notamment ils connaîtraient la culture politique de leur société, mais ils ignoreraient la place qu'ils occuperont dans la société. Et Rawls dit, dans cette procédure-là, je choisirais une place qui va, en quelque sorte, maximiser la position la plus défavorisée. Mmh. Rawls dit, sous voile d'ignorance, on choisirait de la même manière que si c'était notre pire ennemi qui devait décider à quelle place on serait dans la société. Mmh. Et donc, en fait, on va essayer de faire en sorte que la moins bonne place soit la plus haute possible, parce qu'on pourrait occuper cette place. Il faut vraiment, j'insiste là-dessus, Marc-Antoine Sabaté, parce que ça peut sembler un petit peu abstrait, je pense, pour des auditeurs ou auditrices, mais le voile d'ignorance, c'est quand même une expérience de pensée assez dingue à faire, parce qu'il s'agit quand même de se dire qu'on est là, par exemple, dans ce studio, mais que je ne sais pas qui je suis, et je ne sais pas qui vous êtes, mais j'imagine quand même que nous sommes ici en France en 2022, et que les conditions matérielles, économiques, politiques sont telles qu'elles sont en ce moment, et que pourtant je dois faire un choix quant aux bonnes procédures de justice, à ce qui serait une bonne justice, on pourrait dire, et donc décider de me dire peut-être qu'en fait je suis dans la pire situation qui soit. En fait, c'est vraiment le scénario du pire qu'il faut imaginer pour soi et se dire, mais même si j'occupais cette situation-là, j'en voudrais quand même. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une expérience de pensée qu'on fait peu. On se dit, je n'aimerais pas être à cette place-là, on a de l'empathie, on a de la bienveillance, on a envie d'être solidaire, mais ça, se dire ça, c'est quand même assez fou d'avoir imaginé ça, en fait. Oui. Oui, alors, c'est une expérience de pensée qui, c'est un autre aspect qui fait l'originalité de la théorie de Rawls, qui est extrêmement inspiré par toute une série de théories qui se développent à l'époque où Rawls travaille ses arguments, qui sont la théorie des jeux, la théorie du choix rationnel. Et donc Rawls, en quelque sorte, va récupérer ce concept de ce qu'on appelle le maximin, donc maximiser le minimum, chez des économistes. Mais lui, il en fait quelque chose de plus poussé. Il y a quelque chose qui est intéressant. Je disais tout à l'heure que Rawls est passé à la postérité à la fois parce que il conciliait la liberté et l'égalité. C'est aussi parce que il cherche à concilier l'intérêt individuel avec le bien commun. Et cette procédure de voile d'ignorance chez Rawls permet vraiment de montrer que on peut aboutir au bien commun en poursuivant l'intérêt individuel, qu'on peut aussi marier le rationnel et le raisonnable, et que en fait c'est dans l'intérêt des personnes de choisir une distribution qui va favoriser le bien commun. Alors ça, pour Nozick, ça va être compliqué. On a du mal à voir en quoi c'est grave de penser ça. Enfin, en quoi c'est scandaleux pour Nozick de penser ça, parce que finalement, presque Rawls parvient à articuler des choses. La chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est presque d'avoir imaginé une situation fictive, c'est-à-dire d'être dans une justice procédurale et fictive. Alors, Nozick fait plusieurs critiques. Parmi les critiques qu'il fait, il n'est pas le seul. Sa critique consiste à dire, en quelque sorte, que la manière dont Rawls va construire sa procédure de voile d'ignorance ne peut aboutir qu'au résultat que Rawls souhaite lui-même. Et donc, bon, bah, les dés sont pipés, quoi. En un sens, c'est vrai, mais Rawls l'assume complètement. De fait, on va pas rentrer dans les détails, mais la procédure de voile d'ignorance est une procédure complètement fictive et intellectuelle, avec des allers-retours. Rawls dit, voilà, on a une procédure sous voile d'ignorance, on voit ce qui sort, et puis on compare le résultat de cette procédure à nos intuitions sur la justice, et puis si ça correspond, tant mieux, si ça correspond pas, ben on révise soit nos intuitions, soit notre procédure, et petit à petit, on va arriver à ce qu'il appelle un équilibre réfléchi, et donc on aura une conception de la justice qui fonctionne. Et donc, la critique qui consiste à dire que Rawls construit sa théorie pour aboutir au résultat qu'il souhaite, elle est valable, et en même temps, elle n'a pas de portée. Ce que Nozick va critiquer, c'est autre chose. Alors, il n'est pas le seul, il y a toute une série de critiques, notamment, par exemple, il y a une critique communautarienne qui a expliqué que la conception de la personne, comme vous l'avez dit, sous voile d'ignorance, est complètement improbable. Elle n'a aucun sens sociologique et donc elle est indéfendable. C'est pas exactement ce que Nozick va dire. Nozick, en quelque sorte, là où il va vraiment insister, c'est de dire que il voit pas dans quelle mesure les personnes qui seront les plus favorisées pourraient accepter les termes de ce contrat-là. Vraiment, il dit, mais ça n'a aucun sens. Il dit même, à un moment donné, c'est ridicule. Parce que la conclusion de cette procédure chez Rawls, c'est que on a deux principes de justice. Le premier, un principe assez classique d'égalité des libertés, un principe libéral de protection des droits individuels, liberté égale pour tous. Et puis un deuxième principe, un principe qui est en deux parties, avec une égalité des chances, une égalité équitable des chances, et puis ce que Rawls a appelé le principe de différence. Le principe de différence consiste à dire que les inégalités dans la société ne seront justifiées que si elles servent l'intérêt commun. Et comment on peut savoir si elles servent l'intérêt commun? C'est si elles sont à l'avantage des plus défavorisés. Et donc Rawls va dire que il y a des inégalités justifiées dans la société. Certains occuperont des places plus favorisées que d'autres à différents égards, mais que ces places ne seront justifiées que si elles permettent d'augmenter les perspectives des plus défavorisés. Nozick, face à ça, va dire mais imaginez, donc ça revient à dire que les moins favorisés, les moins bien dotés en talent, en ressources sociales, etc., iraient voir les mieux dotés pour leur dire, voilà, nous voulons coopérer. Nos termes de coopération sont que ça doit être à notre avantage maximum. Mmh. Nozick dit, mais imaginons l'inverse. Mmh. Imaginons que les mieux dotés aillent voir les moins bien dotés et leur dire, voilà, nous voulons coopérer. Les termes de la coopération devront être à notre avantage. Ça n'a aucun sens, ça ne serait pas acceptable. Et donc, en fait, Nozick voit pas pourquoi, en fait, les personnes les plus talentueuses, les personnes les plus riches, accepteraient ce contrat où, objectivement, elles ont à y perdre. Parce que chacun suit son intérêt individuel. Mais cette question quand même de l'égalité, c'est vraiment une question sur laquelle butent à la fois les libertariens, mais presque de manière en fait intentionnelle, acceptable, alors que un libéral comme Rawls quand même essaye de défendre une égalité avec des inégalités, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Alors je vous propose d'écouter ce texte justement de John Rawls dont on parle depuis tout à l'heure. C'est un extrait de sa théorie de la justice. Je voudrais faire remarquer qu'une société bien ordonnée ne supprime pas la division du travail au sens le plus général. On peut certainement dépasser les pires aspects de cette division. Il n'y a pas de raison que quiconque soit servilement dépendant des autres et doive choisir des occupations monotones et routinières qui ruinent la pensée et la sensibilité humaine. On doit pouvoir offrir à chacun des tâches variées afin que les différents éléments de sa nature puissent trouver à s'exprimer. Mais même si le travail devient intéressant pour tous, nous ne pouvons pas surmonter notre dépendance à l'égard des autres. Dans une société parfaitement juste, les personnes recherchent leur bien d'une façon qui leur est particulière, et donc dépendent de leurs partenaires pour faire ce qu'elles ne pourraient faire ou bien ce qu'elles auraient pu faire mais n'ont pas fait. Il est tentant de supposer que tous les partenaires pourraient pleinement réaliser leurs capacités et que certains au moins peuvent devenir des modèles achevés d'humanité. Mais c'est impossible. C'est un trait de la sociabilité humaine que nous ne pouvons réaliser par nous-mêmes qu'une partie de ce que nous pourrions être. Nous devons compter les uns sur les autres pour réaliser les excellences que nous devons nous-mêmes laisser de côté ou qui nous font défaut. La division du travail est dépassée, non pas parce que chacun deviendrait complet en lui-même, mais grâce à une activité volontaire intéressante dans le cadre d'une juste communauté de communautés, à laquelle tous peuvent librement participer selon leurs tendances. C'était donc un extrait de Théorie de la justice de John Rawls. On a entendu cette phrase, Marc-Antoine Sabaté, qui est assez frappante, hein, dans laquelle Rawls nous dit « Il est tentant de supposer que tous les partenaires pourraient pleinement réaliser leurs capacités et que certains au moins peuvent devenir des modèles achevés d'humanité, mais c'est impossible ». Alors, comment faire avec ça? C'est-à-dire que quand on ouvre un livre qui s'appelle Théorie de la justice, qu'on parle quand même de quelle est la vie que je veux mener, la vie bonne, on dit, que je veux mener, donc quelle est ma conception du bien, qu'est-ce que je veux pour moi, il nous pousse à nous poser ces questions, à mettre en place des procédures de justice dans lesquelles je pourrais vraiment aboutir à une théorie qui me ressemble le plus et qui ressemble à tous au maximum. Et puis finalement, on lit ça. Donc, la fin du livre, c'est à la fin du livre, nous dit, bah, en fait, vous ne pourrez peut-être pas vous réaliser pleinement. Ce qui est assez inacceptable, en fait, pour une théorie de la justice. Ah, ben, je ne serais pas d'accord avec vous. Je crois que c'est justement ce qui fait la richesse de la théorie de Rawls. Je suis très heureux qu'on entende ce passage. C'est un passage de Rawls qui est dans la troisième partie, enfin, la dernière partie de la théorie de la justice, qui est souvent moins discutée. Bon, parce que le texte est long, il faut arriver au bout. Mais qui est absolument crucial parce que Rawls a beaucoup été critiqué, notamment pour cette procédure du voile d'ignorance, pour avoir une conception trop rationnelle de sa théorie pour ne pas s'intéresser à des enjeux moraux un peu plus importants, c'est notamment cette critique communautarienne. Dans cette troisième partie, en fait, Rawls sort du voile d'ignorance et se dit, bon ben voilà, on a nos principes de justice, on a une société juste, comment est-ce qu'on peut être sûr que les individus vont vouloir agir dans un sens qui conforte cette justice-là? Comment est-ce qu'on peut être sûr que, au final, en fait, la théorie de la justice, les principes de justice qui vont fonctionner vont être stables? Et Rawls, du coup, décrit ce qu'il appelle la psychologie des individus dans la société. C'est assez long. Et puis, il y a ce passage dans lequel il nous dit, en fait, exactement le contraire de ce que dit Nozick dans l'extrait qu'on a écouté en introduction. Rawls nous dit, mais évidemment, on ne peut pas soi-même se réaliser pleinement. Pourquoi évidemment ? Mais parce que on vit dans une société où il y a non seulement une solidarité sociale, mais il y a aussi une solidarité morale. On se réalise en partie dans les réalisations des autres. Demandez à n'importe qui a un enfant, et il vous dira que c'est le cas. Et Rawls étend ça à la société. Et donc là, on a vraiment un désaccord profond entre Rawls et Nozick. Pour Nozick, on a cette idée que les personnes peuvent se réaliser individuellement, pleinement, et qu'il faut, pour cela, accepter le fait que ces réalisations vont avec des injustices. Pour Rawls, c'est parce qu'on accepte qu'il n'y a pas de réalisation pleine de manière purement individuelle que... on peut ouvrir un peu plus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de voir que chez Rawls, et c'est ce qui fait la richesse, et une des raisons pour lesquelles on continue à discuter Rawls, et Rawls demeure aujourd'hui comme une figure pour la philosophie politique, c'est que chez Rawls, le libéralisme des droits va avec une solidarité qui est pas seulement fonctionnelle, c'est une vision coopérative de la justice où les gens coopèrent pour avoir plus d'avantages, etc., mais va aussi avec une vraie solidarité morale. Les gens se réalise dans les réalisations des autres. Mais cette question, en fait, cette vision plutôt entre Rawls et Nozick nous oblige à nous poser la question aussi à nous-mêmes. C'est la question qu'on a soulevée depuis le début. Quelle vie est-ce que j'ai envie de mener? Est-ce que j'ai envie de mener une vie où je m'accomplis pleinement? Or, nous sommes dans des sociétés où on nous pousse à nous accomplir, à avoir une existence achevée. Ou est-ce que je veux une vie dans laquelle je m'accomplis, donc pas complètement, mais à travers les autres? Et cette question-là, en fait, on peut se la poser et en même temps, on est à la fois limité aussi, en fait, dans la réponse à trouver, puisque ce qu'imagine d'un côté Rawls semble tout à fait théorique et ce qu'imagine Nozick de l'autre semble presque délirant. Donc, en fait, cette question qui est cruciale, de quelle vie j'ai envie de mener et qu'est-ce que je veux de la part des autres et qu'est-ce que je veux leur donner et qu'est-ce que je veux pour moi, en fait, semble presque aussi impossible à conclure d'une certaine manière. Ah, sans doute, peut-être oui. Là, peut-être que c'est à l'appréciation de chacun. On ne pourra pas, en effet, tirer une conclusion qui donnerait le point à l'un ou l'autre de manière définitive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vous interroge sur la portée même concrète de leur. En lisant ça, est-ce que on peut se dire qu'on vit dans un monde injuste? Que ce soit du point de vue de Nozick ou du point de vue de Rawls. Et alors, si oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces théories-là, elles ont une portée concrète? C'est difficile à dire. Alors, première chose, c'est que il y a quelque chose qui, en tout cas, moi personnellement, me semble beaucoup plus concrète chez Rawls, c'est que on ne fait l'expérience de la liberté que dans la dépendance et dans la relation. Et que la liberté pure indépendance... concrètement, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est très difficile à imaginer. Mais alors, pour avancer un peu, il faut aussi rentrer dans la réponse de Nozick sur ses principes de justice à lui. On a dit tout à l'heure que Nozick disait qu'il fallait soit travailler à l'intérieur de Rawls, soit travailler à l'extérieur. En un sens, lui fait les deux, critique Rawls depuis l'intérieur, mais va aussi proposer sa propre théorie de la justice. C'est la deuxième partie de l'ouvrage, l'État. Après avoir démontré que seul l'État minimal est légitime, il va se demander s'il y a des conceptions de la justice qui pourraient nous pousser à aller plus loin. Nozick va dire non. Non, pourquoi? Parce que la seule théorie de la justice légitime est ce qu'il appelle la théorie de l'habilitation. En un sens, pour Rawls, la question de la justice, c'est de déterminer des règles communes de coopération équitable. Pour Nozick, la question de la justice, c'est pas ça. La question de la justice, c'est de savoir si les personnes sont légitimement propriétaires de ce qu'elles possèdent. Et donc, Nozick va articuler une théorie qui va chercher à savoir si les gens sont légitimes ou non pour posséder. Et alors, il y a trois principes. Le premier, c'est celui de l'appropriation. Est-ce que je peux m'approprier de manière légitime les choses qui n'étaient auparavant possédées par personne? Le deuxième, c'est celui des transferts. Est-ce que je suis devenu propriétaire en échangeant de manière légitime avec d'autres? Et puis le troisième, qui est un peu plus compliqué, c'est la réparation des injustices. S'il y a des injustices dans ces deux premiers principes, alors il faut les réparer. Nozick, et c'est là qu'il va s'écarter de Rawls, va dire que sa conception de la justice est purement historique. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mmh. Peu importe le résultat, ce qui compte, c'est de savoir si la procédure est juste. Sur le premier principe, l'appropriation originelle, Nozick revient à Locke, en quelque sorte. Il dit, voilà, on revient à la théorie de Locke. L'appropriation est légitime parce que, étant propriétaire de moi-même, je suis propriétaire de mon travail, je vais donc mélanger mon travail aux choses sur lesquelles je travaille, et je vais donc devenir légitime propriétaire de ces choses. Et en même temps, il repart de Locke, mais il voit bien qu'il y a des choses qui tiennent pas, notamment, est-ce que en m'appropriant les choses, je suis propriétaire de l'entièreté des choses que je me suis approprié, ou est-ce que je suis légitime propriétaire uniquement de la valeur que j'ai ajoutée par mon travail? Il y a toute une série de difficultés. Mais grosso modo, Nozick va dire, bon, ce qui compte au final, c'est de savoir, comme chez Locke, si on a laissé en quantité et en qualité de manière suffisante pour les autres. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez Locke. Il faut que l'appropriation est légitime s'il reste suffisamment et en quantité, en qualité suffisante. Nozick va dire, va avoir une interprétation en fait assez lâche de cette ce qu'il va appeler la clause lockéenne. Il va dire que l'appropriation est légitime au final du moment que la situation après l'appropriation n'est pas pire qu'elle n'était auparavant. C'est-à-dire que, par exemple, si mon voisin s'approprie, que sais-je, un bout de terre, je vais prendre un exemple agricole qui n'arrivera jamais, enfin en tout cas dans mon cas, donc si mon voisin s'approprie un bout de terre qui était délaissé, mais qu'en fait moi je continue à bien vivre, je ne vais pas pouvoir lui reprocher de s'être approprié ce bout de terre qu'il a travaillé. Oui, par exemple, exactement. Et alors un autre exemple extrême, c'est de dire que si je suis dans le désert et qu'il y a un seul puits, pour Nozick, alors que pour d'autres libertariens ce n'est pas le cas, pour Nozick, je n'ai pas le droit de m'approprier cette source parce que alors je prive les autres de quelque chose qui est une nécessité d'existence. Par contre, Nozick va dire que un chercheur ou un laboratoire pharmaceutique qui découvre un traitement contre une nouvelle maladie peut tout à fait le vendre au prix qu'il souhaite, peut décider de ne pas le vendre parce qu'en fait il ne prive personne de quelque chose qui n'existait pas, c'est eux qui l'ont ajouté par leur travail. Et là, c'est plus difficile. L'exemple est plus difficile à défendre. Mais de toute façon, cette question se pose de manière très concrète avec l'accès aux ressources naturelles. Il y a des pays, des zones du monde qui sont plus ou moins favorisées. On voit bien que la mondialisation est fondée sur ces échanges-là. À qui appartiennent ces ressources naturelles? Et est-ce légitime que certains continuent à vivre mais mal, alors que d'autres vivent de mieux en mieux en s'appropriant le plus de richesses possible? Oui, bah alors en fait, c'est, vous mettez le doigt sur ce qui constitue sans doute la principale difficulté de la théorie de l'habilitation de Nozick, à laquelle il a jamais vraiment parfaitement répondu d'ailleurs, et puis que des successeurs ensuite après lui ont laborieusement essayé de justifier, et à bien d'égards de manière pas convaincante, c'est que c'est toute une théorie, cette théorie de l'appropriation originelle, n'est légitime que si on fait abstraction de l'accumulation primitive. Oui. L'histoire est une histoire d'accumulation, de possession, qui sont absolument illégitimes selon les critères de Nozick. Et en particulier dans le contexte américain. Dans le contexte américain, ça paraît insensé quand on pense à l'élimination des peuples autochtones, à l'esclavage des Noirs américains. L'histoire est une histoire d'injustice. Et à certains égards, en fait, si on appliquait de manière radicale les principes de Nozick, on aurait une remise à plat complète et quelque chose qu'en fait serait beaucoup plus radical que ce que préconise Rawls lui-même. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, Marc-Antoine Sabaté, de la portée concrète en fait de ces théories. C'est qu'elles ont beau se dire historiques, pas historiques, fictives, des expériences de pensée, il y a quelque chose parfois qui bute face à cette réalité, alors même que Nozick se dit quand même préférant la dure réalité. Mais je vous propose, parce qu'il nous reste très peu de temps quand même, qu'on écoute un dernier texte de Ronald Dworkin qui justement propose aussi une situation très concrète, celle de naufragés sur une île déserte qui vont se répartir chacun un certain nombre de coquillages. Imaginons des gens naufragés sur une île déserte contenant diverses ressources naturelles. On leur donne à chacun un certain nombre de coquillages comme monnaie pour des enchères et ils enchérissent pour la possession individuelle des ressources de l'île. Une fois les enchères terminées, chacun étant satisfait d'avoir utilisé ses coquillages de façon efficace, le test d'envie suivant sera nécessairement rempli. Personne ne voudra échanger son lot de ressources contre le lot de quiconque d'autre, parce qu'il aurait pu avoir cet autre lot à la place du sien s'il l'avait voulu. Dans la mesure où le résultat est une répartition libre d'envie, la stratégie fait preuve de sollicitude égale pour chacun. Chacun comprend que sa situation reflète cette sollicitude égale. Sa richesse est fonction de ce que veulent les autres autant que de ce qu'il veut lui-même. La stratégie respecte aussi la responsabilité personnelle de chaque enchérisseur pour ses propres valeurs. Il se sert de ses coquillages pour acquérir les ressources qui lui paraissent le mieux adaptées au genre de vie qui lui paraît lui convenir le mieux. Il est limité en projetant cette vie par ce qu'il découvre être les choix des autres et donc par ce sur quoi il peut mettre la main pour la vie qu'il choisit. L'économie de marché n'est pas l'ennemi de l'égalité comme on le suppose souvent. Elle est au contraire indispensable à une égalité véritable. Fondamentalement, une économie égalitaire est une économie capitaliste. Il nous reste très peu de temps pour commenter ce texte de Ronald Dworkin, Marc-Antoine Sabaté, qu'on vient d'entendre interprété par François Raison. C'est un extrait de Justice pour les hérissons. Et on a entendu cette phrase qui est quand même assez folle à la fin. Fondamentalement, une économie égalitaire est une économie capitaliste. C'est tellement contre-intuitif qu'on a du mal à y croire. Mais néanmoins, c'est vrai que dans ce texte, avec ce partage en fait de coquillages égal, on a l'impression en fait que les libertariens, contre toute attente, peuvent permettre de penser ce qui serait un revenu universel. Oui, alors c'est intéressant parce que Ronald Dworkin est pas du tout un libertarien. Il se définit comme un libéral égalitaire et à pas mal d'égards comme quelqu'un qui s'inscrit dans la suite de Rawls. Mais on voit dans ce texte peut-être une partie de ce qui se joue dans l'héritage de cette controverse. Parce que jusqu'à présent, on parlait de textes qui ont quand même presque 50 ans. En tout cas, pour ça, l'un des deux, déjà 50 ans. Et là, dans le texte de Dworkin, on a plusieurs choses. On a déjà cette idée qui est qu'on trouve chez Nozick, et qu'en fait, en un sens, on trouvait déjà chez Adam Smith, c'est que le marché, les échanges marchands, permettent d'éviter le problème du contrat social. Nozick imagine des naufragés sur une île qui doivent se répartir les sources qui sont sur cette île, et la stratégie qu'il trouve, c'est de dire, voilà, on va tous commencer avec la même quantité de coquillages, et puis on va faire des offres sur des paniers de biens de ces ressources. Et puis, par réitération de la procédure, on va bien finir par trouver une répartition qui épuise le marché. Et donc, en fait, chacun se retrouvera avec une quantité de ressources qui sera de telle manière qu'il ne pourra pas désirer les paniers des autres, parce qu'il aurait pu les acheter aussi. Donc, égalité, là. Et donc, il y a une pure égalité. Chacun est possesseur uniquement de ce qu'il souhaite et ce dont il a besoin. Et alors, c'est intéressant parce que on voit aussi comment par ailleurs, chez des philosophes qui ont une intuition et une ambition égalitaire importante, la procédure de Dworkin pousse très loin l'intuition rawlsienne. On n'a pas eu beaucoup le temps d'en parler, mais il y a une critique du mérite importante chez Rawls. Rawls dit que toutes les facteurs sociaux et même toutes les talents naturels sont moralement arbitraires et que donc le mérite est une illusion et qu'il faut faire une critique du mérite. Dworkin, avec d'autres, on pourrait citer Will Kimlicka, va pousser ça très loin en disant, mais voilà, en fait, si tous les éléments du mérite sont moralement arbitraires, il faut neutraliser tout ça, il faut abolir le hasard. En fait, il faut faire en sorte que tout ne puisse être le résultat que de la responsabilité individuelle et des choix individuels, ce qui n'est pas du tout le cas chez Rawls. Et donc, tout ça va, au final, avec à la fois une ambition égalitaire et en même temps avec des outils de pensée qui sont des outils de pensée qui passent par des accords marchands, des échanges de droits et une conception de la responsabilité qui, au final, est assez différente de celle de Rawls. Merci beaucoup, Marc-Antoine Sabaté, d'avoir éclairé ce débat entre Rawls et Nozick. C'était pas facile sur la justice, mais c'était passionnant. Justement, de Rawls, vous pouvez lire Théorie de la justice. C'est disponible aux éditions du Seuil dans la traduction de Catherine Audard. Mais vous pouvez aussi lire Anarchie, État et Utopie, beaucoup plus marrant, vous m'avez dit en off, Marc-Antoine Sabaté, donc de Robert Nozick, traduction d'Evelyne Dozac et de Lamartine. Et c'est aux éditions PUF. Merci beaucoup. Allez raconter ça à votre père. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Les Parisiennes, l'argent ne fait pas le bonheur. Il est 10h, bientôt 55 minutes et c'est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi l'éthique repose-t-elle sur la discussion ? Chacun sait que dans la vie humaine, le respect mutuel, le respect d'une personne par une autre, consiste d'abord dans l'écoute de la parole de l'autre et même dans la capacité finalement à se laisser influencer par la parole de l'autre. Une vraie discussion, c'est une conversation où à la fois j'écoute ce que me dit l'autre et en même temps j'y réponds, j'y réagis, parfois en la refusant bien sûr, je dirais là ici non, tu as tort, ce n'est pas possible, cela je ne peux vraiment pas l'accepter, ou bien je peux dire au contraire, ah là, je crois que tu as raison, j'accepte ton argument et il est en effet essentiel dans le respect mutuel de passer par l'écoute, par le dialogue et par la discussion et de manière informelle, le dialogue, l'écoute de l'autre depuis Socrate, disons, a toujours défini quelque chose d'essentiel dans la vie humaine. Mais c'est peut-être au XXe siècle, dans ce siècle aussi de conflits et de guerres extrêmes, qu'on s'est aperçu que la discussion, le dialogue, ne sont pas seulement un aspect de l'éthique, mais peut-être le fondement de l'éthique elle-même, peut-être un critère de la possibilité même de l'éthique, peut-être définir non pas seulement un aspect du respect par l'écoute de l'autre, mais l'ensemble du respect de l'autre par les conditions d'une discussion avec lui. Celui qui est allé le plus loin dans ce sens, c'est le philosophe allemand Jürgen Habermas. Habermas qui est aussi célèbre pour avoir eu une pensée de l'Europe, une pensée de la constitution européenne, une Europe justement peut-être fondée sur la conversation mutuelle. Quelle est la thèse de Habermas dans ce qu'on appelle aujourd'hui son éthique de la discussion précisément ? C'est de faire de la discussion, du dialogue, le critère même de l'éthique, de définir au fond l'éthique par ce qui rend possible une discussion, le cadre aussi politique qui rend possible nos discussions comme principe de la vie et de la morale humaine. Il est facile de le voir à contrario. On appellera alors violence, on appellera violation, on appellera mal d'une façon assez radicale ce qui rend la discussion impossible. Le fait de quitter une discussion, de ne pas écouter, d'interrompre, le fait aussi de ne simplement pas vouloir entrer dans la parole, le fait de mépriser a priori la parole de l'autre, de considérer que l'autre ne doit pas être écouté, qu'il n'a rien à dire, cela, ça n'est pas seulement un aspect du mal, c'est peut-être la source de toutes les violences. L'éthique conversationnelle de Jürgen Habermas, c'est une éthique qui cherche à théoriser les principes de toute discussion possible, pourrait-on dire. Un peu comme dans la morale de Kant, il y a les principes de toute action juste possible. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. C'était la règle d'or de l'évangile. Agis de telle sorte que ta maxime puisse être un principe pour toute l'humanité. C'était l'impératif catégorique de Kant. Agis de telle sorte que la discussion avec l'autre soit toujours possible. C'est le principe de l'éthique de la discussion de Habermas. Et en effet, il a pensé la constitution européenne comme une conversation politique possible, une constitution du dialogue international comme principe de justice. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Thaïs Selouhammer, Manon Delasselle, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Louise André et Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Pierre Faucillon. Merci aussi à François Raison à la lecture des textes. Vous pouvez écouter, réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur les libertariens et demain, portrait de Ayn Rand, égoïste et fier de l'être. Ce sera avec Alain Laurent. À demain sur France Culture. Retrouvez dans un beau livre illustré Les Chemins de la Philosophie d'Adèle Van Rett. 25 entretiens avec les plus grands penseurs contemporains pour mieux comprendre notre époque et notre manière de vivre. Un livre France Culture.